بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله على طاعتي. Donc nous poursuivons notre série de cours intitulée sur le chemin de la Hijra. Et dans le cours précédent, nous avons parlé des mérites de la Hijra, dans le but d'encourager les musulmans résidant en terre de mécréance à faire la hijra et de conforter ceux qui ont déjà fait la hijra. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très important qui est le méfait de délaisser la hijra. Et ce sujet est très important, car souvent, lorsqu'on vit en terre de mécréance, on ne voit pas forcément les méfaits qu'il y a dans le fait d'y résider. Et on peut même avoir tendance à banaliser ce que l'on y voit comme chose qui contredit notre religion et notre croyance. C'est pour cela qu'il est important de rappeler les méfaits de délaisser la hijra et de résider en terre de mécréance, car le rappel profite aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Dhariyat: wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Alhamdoulillah, nous vivons à une époque où les rappels sont nombreux. Il y a de nombreux cours. Les paroles de savants sont traduites en français. Beaucoup de leurs livres sont traduits. Certains savants ont même prodigué des conseils destinés aux francophones. Mais malgré tout cela, nous remarquons un manque flagrant dans la mise en pratique. Combien sont ceux qui ont émigré après avoir entendu les rappels sur la hijra? Combien sont ceux qui ont fait réellement les causes pour l'accomplir? Combien sont ceux qui se sont remis fortement en question? Souvent, nous allons trouver qu'ils sont seulement un petit nombre. Malheureusement, de nos jours, lorsqu'on fait un rappel sur la hijra, certains se sentent attaqués, voire même rabaissés. Et certains, parfois, vont même jusqu'à parler sur celui qui fait le rappel, en disant par exemple, « Mais pour qui il se prend pour dire ce genre de choses? Ce n'est pas un savant. » Ou encore, « Parce qu'il ne vit pas en terre de mécréance, il se croit supérieur aux autres. » Ou bien, « Comment ose-t-il parler alors que lui fait telle ou telle chose ?» Et beaucoup d'autres paroles qui sont souvent mentionnées dans ce contexte. Et ce genre de paroles, ikhwani fillah, sont souvent l'une des causes que la personne rejette la vérité. Le musulman doit accepter la vérité et il ne doit pas la rejeter. Même si elle peut être dure à entendre, il doit l'accepter. Même dans le cas où il se sent visé par le rappel, il est dans l'obligation de l'accepter et de le mettre en pratique. Si c'est quelque chose d'obligatoire, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à accepter la vérité et à la mettre en pratique. Donc revenons au méfait de délaisser la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 97 de sourate An-Nisa, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الله سبحانه وتعالى dit dans la traduction rapprochée de ce verset: lorsque les anges prennent l'âme de ceux qui se sont fait tort à eux-mêmes, ils leur demandent « Quelle était votre situation ?» Ils répondent « Nous étions opprimés sur terre. » Ce à quoi les anges disent « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? » Ceux-là auront pour destination finale l'enfer. Et quelle mauvaise destination. L'éminent savant Ibn Kathir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il nous dit dans le tafsir de ce verset, ce verset est général, concernant tous ceux qui résident parmi les polythéistes sans pouvoir appliquer leur religion, alors qu'ils sont capables d'émigrer. Celui qui agit de la sorte se fait du tort à lui-même et commet une chose interdite à l'unanimité des savants. Fin de citation. Donc au vu du verset dans sourate An-Nisa et la parole d'Ibn Kathir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il apparaît plusieurs méfaits de délaisser la hijra. Le premier de ces méfaits est que celui qui délaisse la hijra s'est fait du tort à lui-même, car il a mis sa religion en danger au lieu de la mettre en sécurité. Il a préféré résider parmi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager que de résider avec les musulmans, et il a favorisé la vie d'ici-bas à l'au-delà. Le deuxième méfait est qu'en délaissant la hijra, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Et ceci à l'unanimité des savants, comme l'a mentionné Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais je tiens à préciser que c'est dans le cas où le musulman est en capacité de faire la hijra et qu'elle lui est obligatoire. Dans ce cas-là, son délaissement de la hijra est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Et nous pouvons tirer du verset de sourate An-Nisa un troisième méfait de délaisser la hijra. Et c'est le fait que celui, ou plutôt, et c'est le fait que ceci est un grand péché. En effet, ikhwani fillah, celui qui délaisse la hijra, alors qu'il a la capacité de l'accomplir, il a commis un grand péché. L'éminent savant Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à ce propos, il y a dans ce verset, c'est-à-dire le verset de sourate An-Nisa, une preuve que la hijra est l'une des plus grandes obligations et que son délaissement est l'un des plus grands péchés. Fin de citation. Et la croyance des gens de la sunna et du groupe concernant le jugement de celui qui commet un grand péché est connue. Dans le cas où il ne s'est pas repenti de ce péché lors de son vivant, soit Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera dans l'au-delà et le fera rentrer au paradis, ou soit Allah le châtiera et le fera rentrer en enfer un certain temps. Et ces trois méfaits sont tirés du verset 97 de sourate An-Nisa. Parmi les méfaits de délaisser la hijra, il y a le fait de s'exposer aux troubles. En effet, celui qui délaisse la hijra s'expose à de nombreux troubles. Combien de nos frères étaient sur une voie droite? Ils étaient assidus à la prière. Certains d'entre eux étaient même très assidus aux assises de science. Mais lorsque ces gens ont délaissé la hijra, ils se sont exposés aux troubles et ils ont fini par y tomber, wal'iyadhu billah. Ils ont été éprouvés dans leur religion et ils ont succombé aux nombreuses tentations présentes en terre de mécréance. Ils ont perdu leur clairvoyance et ont délaissé les actes de bien. Ils ont quitté les assises où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué pour des endroits où les paroles du shaitan sont mises en avant. Ils sont passés de la lumière aux ténèbres. Qu'Allah nous en préserve. Combien de personnes connaissons-nous dans ce cas et dans cette situation? Ne pensez pas que cela n'arrive qu'aux autres. Combien de sœurs étaient sur une voie droite, walillah alhamd, et suivaient les traces des sahabiyettes, que ce soit dans le comportement, dans l'habillement et autres, et elles préservaient leur chasteté, et elles faisaient preuve de pudeur. Mais elles ont délaissé la hijra et se sont entêtées à résider en terre de mécréance. Et elles ont fini par être éprouvées dans leur religion et tombées dans les troubles. Quel est leur état à l'heure d'aujourd'hui? Wallahu al-musta'an. Lorsque ces personnes ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant la hijra, ils ont été éprouvés dans leur religion. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 63 de sourate Nour. Allah nous dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Celui qui délaisse la hijra ne fait pas seulement que de s'exposer aux troubles, il expose aussi ses enfants aux troubles. Ce dépôt dont il a l'obligation de préserver, ce dépôt sur lequel il aura à rendre des comptes à son Seigneur, Yawm al-Qiyamah. En terre de mécréance, les enfants sont exposés à divers types de troubles, dans lesquels certains d'entre eux finiront par y tomber. Au contraire des enfants dont les parents ont fait la hijra. Et cette différence, ikhwani fillah, apparaît clairement dans l'histoire suivante. Il y a quelques années, un frère était allé visiter un pays musulman dans le but d'une future installation. Et il était donc en voiture, accompagné d'un autre frère qui avait déjà fait la hijra et qui était déjà installé depuis plusieurs années dans ce pays. Et les deux frères se mirent à parler. C'est alors que le frère qui était venu en visite se mit à dire qu'il craignait pour sa fille en terre de mécréance à cause des nombreux troubles qui s'y trouvent. Et l'autre frère qui avait fait la hijra l'écoutait tranquillement. Et lorsqu'il finit, il lui dit « Moi, la seule chose qui me préoccupe actuellement concernant ma fille, c'est à quel âge va-t-elle finir le Coran ? Et quel programme de révision lui faire une fois qu'elle l'aura terminé ?» Et lorsque le frère en visite entendu cette parole, il s'exclama et dit « Subhanallah, ceci est la différence entre ceux qui ont fait la hijra et ceux qui résident en terre de mécréance. C'est-à-dire que leurs inquiétudes ne sont pas les mêmes. Pendant que l'un d'entre eux se préoccupe quand est-ce que sa fille finira le Coran, l'autre est en train de s'inquiéter. Vont-ils prendre ma fille ou non ? Vont-ils lui apprendre telle ou telle chose ? Et là, il s'est rendu compte qu'en vérité, il n'y avait aucun doute dans le fait de faire la hijra et que les enfants sont beaucoup plus préservés en terre d'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos enfants de tout mal. Aussi, parmi les méfaits de délaisser la hijra, il y a la diminution du désaveu envers les mécréants et les polythéistes. En effet, ikhwani fillah, celui qui vit en terre de mécréance sera amené à beaucoup côtoyer les mécréants en règle générale, tout comme il sera amené à voir la mécréance jusqu'à ce que cela devienne banal. Il se peut qu'il ne réprimandera plus la mécréance avec son cœur, alors que ceci est le plus bas degré de la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Ceci est un sujet très dangereux. Il est obligatoire que le musulman se désavoue du polythéisme et de ses adeptes. Mais la question qui se pose est comment mettre en application ce fondement lorsqu'on vit au milieu des mécréants, des polythéistes, et qu'on vit au rythme de la mécréance. On subit les fêtes telles que Noël, le Nouvel An, Pâques, la Toussaint, la Saint-Valentin et toutes les autres fêtes, célébrées par les mécréants. Ce sujet est tellement dangereux que certains musulmans vont même jusqu'à féliciter les mécréants lors de leurs fêtes, tandis que d'autres ne voient aucun mal à célébrer ces fêtes et se réjouir lors de ces fêtes. Et ceci, ikhwani fillah, fait partie des conséquences et des méfaits d'avoir délaissé la hijra. Aussi, parmi les méfaits qu'il y a en délaissant la hijra, le musulman sera forcément influencé par les mécréants, que ce soit en termes de langage, de comportement, et même parfois en termes de croyance. Prenez par exemple, ikhwani fillah, une phrase que beaucoup de musulmans vivant en terre de mécréance prononcent, à part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Cette phrase est l'expression connue « Le monde est petit ». Cette expression, malgré qu'elle soit répandue, elle contredit certains versets du Coran, tels que le verset 56 de Sourate Al-Ankabut, de Sourate l'Araignée. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun » Ô mes serviteurs croyants, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que sa terre est vaste et non petite. D'où les musulmans ont pris cette expression selon vous? Ils l'ont bel et bien pris des mécréants en se mélangeant à eux. Pareil pour la croyance. Selon les koufars, si un homme se marie avec une femme et qu'ils ont un lien parental éloigné et que par la suite ils ont un enfant, selon eux, cet enfant aura forcément une malformation telle que la trisomie ou autre. Et ceci est une croyance erronée qui contredit un fondement de l'islam qui n'est d'autre que le qada. Et malheureusement, en restant en terre de mécréance, certains musulmans ont ce genre de paroles, ont ce genre de croyances, wal'iyadhu billah. Nous retrouvons aussi, parmi les méfaits de délaisser la hijra, le fait de mettre en péril sa descendance. Certains de nos mashayikh au Yémen nous mentionnaient ce point-là et nous disaient que celui qui délaisse la hijra et réside en terre de mécréance mettra en péril sa descendance et sera la cause que sa descendance réside en terre de mécréance avec tout ce que cela implique. Alors qu'en faisant la hijra, il aura mis sa descendance en sécurité. Après la mort des parents, les enfants resteront dans le pays où ils ont été éduqués, là où ils ont grandi et là où ils ont leurs habitudes, comme cela était le cas des enfants de certains de nos savants. Prenons l'exemple de l'éminent savant Al-Sheikh Hamad Al-Ansari, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est parti vivre en Arabie Saoudite pour étudier la science. Puis il est décédé en Arabie Saoudite, rahimahullah, et ses enfants sont restés y vivre. Et ils y sont toujours actuellement. L'un d'entre eux est décédé il y a quelques mois, Cheikh Abdel Awwal, qu'Allah lui fasse miséricorde. Tandis que Cheikh Abdul Bari, un autre de ses enfants, est toujours en Arabie Saoudite et il dispense des cours à l'université de Médine. Qu'Allah le préserve. Au contraire, lorsque les parents meurent en terre de mécréance, en règle générale, les enfants y restent. Et si les enfants ne sont pas majeurs, en règle générale, ils seront placés en famille d'accueil. Et vous vous doutez bien que les enfants musulmans, en règle générale, sont placés dans des familles d'accueil mécréantes. Et voilà encore un des méfaits de délaisser la hijra. Donc voici quelques méfaits de délaisser cette grande adoration. Il y en a d'autres, mais ceux-là suffiront comme rappel, incha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée.